Deuxième partie. Le Maroc au XVIIIe siècle, relation de l'Empire. Au mois de septembre 1789, Mulay Absalem, fils chéri de l'empereur du Maroc, était menacé de perdre la vue, envoya à Gibraltar réclamer les soins d'un docteur chrétien. Le gouverneur de cette ville détermina le docteur Lamprière à faire ce voyage, moins par l'appât des magnifiques récompenses que par la promesse de remettre en liberté de malheureux captifs chrétiens. « Mon malade, dit le docteur, se trouvait à Taroudan. C'est là que je me rendis par la voie de Mogador. Taroudan est situé dans une vaste plaine presque inculte, à 20 000 au sud de l'Atlas. La vieille muraille qui l'entourait est à moitié détruite. Les maisons qui n'occupent qu'une partie de son enceinte sont en terre. Elles ne s'élèvent qu'à la hauteur du rez-de-chaussée. Chaque habitant a un jardin à sa maison. Par ce moyen, elles sont assez éloignées les unes des autres. Les palmiers, les dattiers qui, de tous côtés, frappent les regards, donnent à cette ville plutôt l'air d'un grand et beau village que d'une cité. À mon arrivée, on me conduisit tout d'abord au palais du prince, situé à un demi-mille de la ville. Cette habitation, dont mon illustre malade était l'architecte, forme un séjour assez agréable, grâce surtout à un jardin dessiné par un Français. Je trouvai Mulay Absalem, les jambes croisées, assis sur un coussin recouvert d'une toile blanche très fine. Il avait devant lui un long tapis assez étroit qui servait de siège à ses courtisans. C'était le seul meuble de son appartement. Ce prince n'avait guère plus de 35 ans, mais une constitution ruinée avant le temps, une cataracte sur un œil, une goutte sereine sur l'autre, lui ôtait presque l'usage de la vue et me laissait peu d'espoir de succès. D'autant plus que j'éprouvais continuellement des obstacles dans l'administration des remèdes. Au bout de 15 jours, cependant, le prince éprouvait un mieux sensible. Ses premiers symptômes de guérison fermèrent la bouche à la malveillance, et sa confiance en moi augmenta au point qu'il voulut me faire voir ses femmes, dont quelques-unes avaient besoin des secours de la médecine. Accompagné du chef des eunuques, je pénétrai dans le harem, qui renfermait des femmes de toutes couleurs et de toute origine. Presque toutes étaient d'un embonpoint extraordinaire. Elles avaient les yeux gros et noirs, la figure ronde, le nez petit. J'ai vu aussi des blondes au teint pâle et de belles négresses. Lorsque je fus introduit chez la malade, dont l'état inquiétait le plus Mulay Absalem, je trouvai dans l'appartement où l'on me fit entrer un grand rideau qui le séparait en deux. Une jeune esclave apporta un petit tabouret qu'elle plaça contre ce rideau en me faisant signe que c'était pour m'asseoir. Un instant après, sa maîtresse, que je ne pouvais voir, me passa son bras en me priant de lui tâter le pouls, persuadé qu'à l'aide de ce symptôme seul, je découvrirais sa maladie. Je m'impatientais parce que ma curiosité n'était pas satisfaite. Je crus avoir trouvé un moyen excellent de voir cette beauté. Je lui dis qu'il fallait absolument qu'elle me montrât sa langue. Cette ruse échoua et je fus trompé dans mon attente, car elle fit, avec ses ciseaux, un trou au rideau qui la cachait, et y passa sa langue sans laisser voir aucune autre partie de sa personne. Je vis une autre femme attaquée d'humeur scrofuleuse au cou. Ancienne favorite de Mulay, elle me promit les plus riches présents si je parvenais à la guérir. Elle fut très étonnée quand je parus douter du succès. Elle avait toujours pensé, me dit-elle, qu'un médecin européen guérissait toutes les maladies. Les femmes du sérail de Mulay Absalem ne me parurent point de la première jeunesse. Je ne crois pas en avoir vu une seule au-dessous de 28 à 30 ans. Toutes avaient beaucoup d'embonpoint, aucune ne savait marcher. Ces femmes, autant que j'ai pu en juger, sont sans esprit comme sans éducation. Elles demandèrent si je savais lire et écrire, et marquèrent beaucoup d'admiration pour les chrétiens lorsqu'elles apprirent qu'ils étaient presque tous en état de lire les livres de leur religion. Aucune d'elles ne possède de talent d'agrément. Après 3 semaines de traitement, Mulay Absalem se trouvait mieux quand je reçus l'ordre de me rendre sur le champ à Maroc. Je ne pouvais concevoir pourquoi on me faisait quitter mon malade. Il ne m'en fallut pas moins obéir. Je quittai Taroudan le 30 novembre, à 8 heures du matin, escorté d'un alcade et de 2 cavaliers nègres qui étaient chargés de porter à l'empereur les présents que son fils lui faisait tous les ans. 3 caisses d'argent et 6 chevaux de prix. J'arrivai de bonne heure au pied du mont Atlas, qui n'est qu'à 20 000 de Taroudan. Ne voulant pas m'engager de nuit dans la montagne, je campai à côté de quelques chaumières habitées par de pauvres morts. Le lendemain, je partis au point du jour. J'avais à peine fait un mille que je me trouvais environné de précipices. Dans plusieurs endroits, la route, qui n'était qu'un étroit sentier à peine assez large pour laisser passer un mulet, avait à droite et à gauche des abîmes effrayants. Bien que parti avant le lever du soleil, je ne sortis de ces terribles montagnes qu'à 6 heures du soir, épuisé de fatigue et d'émotion. Le matin, à mon réveil, quel ne fut pas mon ravissement en apercevant la belle vallée qui précède Maroc. Les forêts d'argent qu'on traverse en voyageant dans l'Atlas font grand plaisir à rencontrer, tant à cause de la variété des bois dont elles sont plantées que parce qu'elles reposent l'œil fatigué de la stérilité du reste du pays. On y trouve des massifs de beaux arbres couverts de verdure, de fleurs et de fruits au mois de décembre. Lorsque j'y passais dans la saison la plus rigoureuse de l'année, la température était douce et agréable. Des cascades d'eau limpide tombant du haut des montagnes venaient fertiliser la plaine. Je me souvenais à peine dans ce séjour d'un printemps perpétuel que peu auparavant j'avais traversé des déserts effroyables. Dans ces riantes et heureuses vallées se trouvent des villages habités par les Berbères, race robuste et vigoureuse qui occupe toute la chaîne de l'Atlas. Ils se livrent avec ardeur à la chasse. Ce sont d'excellents tireurs. Après la chasse, leur principale occupation est de cultiver les vallées et de garder les bestiaux. Ils sont à peu près indépendants et payent ou refusent les tributs qu'on leur impose suivant qu'il leur plaît. Chaque village élit son cheikh, conservant ainsi une trace du gouvernement républicain sous le pire des gouvernements despotiques. Il est assez difficile de décrire ce qu'on éprouve devant cette nature sauvage et grandiose. Montagnes élevées, précipices dangereux, vallées profondes qui ressemblent à des abîmes, tout vous frappe d'un sentiment de crainte et de terreur, plus facile à concevoir qu'à dépeindre. Des troupeaux de chèvres et de moutons qui grimpent pour chercher leur maigre nourriture le long des pentes âpres, stériles et désolées, des vallées fertiles, couvertes de moissons et de verdure, arrosées de ruisseaux d'eau vive, tel est le contraste que présente la partie de l'Atlas que j'ai visitée. Traversant la grande plaine où est située la ville de Maroc, j'arrivai le 8 décembre dans cette capitale. Préoccupé de graves intérêts, l'empereur m'avait totalement oublié. Les médecins morts, au désespoir de mes succès, travaillaient sourdement à me perdre. Il n'y avait pas d'infamie qu'ils n'inventassent pour me rendre suspect. J'avais passé plus d'un mois à Maroc sans que l'empereur eût paru songer à moi. Malgré tous mes efforts, je ne pouvais arriver à obtenir une audience. Je me désolais de mon triste sort, quand je fus appelé à traiter une femme juive protégée de l'empereur. Mes soins l'ayant rendue à la santé, son mari, qui jouissait d'un grand crédit, obtint sur le champ ce que je sollicitais depuis si longtemps. Peu de temps après, 3 soldats nègres, armés de grandes massues, vinrent me chercher à midi pour me conduire au palais. Il leur était ordonné de m'amener à l'heure même. Je priai mes conducteurs de me donner un moment pour me préparer à rendre mes devoirs à leur souverain. Ils n'y voulurent point consentir, me menaçant d'aller dire à leur maître le refus que je faisais de me conformer à ses ordres. Arrivé au palais, les soldats me remirent aux mains du maître des cérémonies, qui me dit d'attendre qu'on m'appelât, et j'eus tout le temps d'attendre, n'ayant été appelé à l'audience qu'à 5 heures du soir. Un esclave enfin m'introduisit dans une cour où se tenait l'empereur. Il était dans une espèce de fauteuil monté sur 4 roues et attelé d'un mulet, tenu à droite et à gauche par des morts. Cette voiture était entourée par 2 divisions de soldats qui formaient un demi-cercle, les uns armés de massues, les autres de fusils. L'empereur, après m'avoir regardé avec attention, mais sans aucun air de sévérité, demanda si j'étais le médecin de son fils. Il me fit ensuite un nombre considérable de questions et finit par causer très familièrement avec moi, ce qui m'enhardit à lui demander justice des calomnies qu'on avait répandues sur moi. Il me répondit que c'était inutile, qu'il avait fait examiner par son médecin les drogues que j'avais données à son fils. Il me promit même de me renvoyer dans ma patrie avec une récompense proportionnée au service que j'avais rendu à son fils. Aux attentions qu'on me marqua, je reconnus que j'étais pleinement justifié. J'attendais donc chaque jour l'ordre de mon départ. Mais l'empereur semblait m'avoir de nouveau oublié. L'arrivée de Mulet Absalem, qui vint à Maroc, me donna grand espoir. Mais ce prince ne me montra que la plus noire ingratitude. Je désespérais de jamais sortir du Maroc, quand, à ma grande joie, je reçus l'ordre de me rendre au palais sur le champ. Mes espérances se ranimèrent, je me voyais déjà à Gibraltar. Cruelle illusion! J'étais appelé à secourir une des sultanes qui était malade. Je suivis donc l'esclave qui portait l'ordre de me faire pénétrer dans le harem. La première porte du harem était gardée par une escouade de 10 soldats nègres. Après l'avoir passée, on me mena à un grand corps de garde où il pouvait y avoir une 15aine d'eunuques commandés par un alcade. Aucune personne ne pénétrait au-delà de ce poste, à moins qu'elle ne fût employée au service des femmes. J'entrai ensuite dans une première cour où j'aperçus des odalisques assis sur le gazon et travaillant à des ouvrages à l'aiguille, tandis que leurs esclaves préparaient le couscoussou. Ma subite apparition attira bientôt tous les regards. Les unes prirent la fuite, les autres, plus courageuses, demandèrent en tremblant à l'eunuque qui j'étais. Aussitôt qu'il leur eut appris que j'étais le médecin venu pour Al-Nazara, la cour se trouva pleine de femmes qui répétaient « C'est Ragnotibide, un médecin chrétien ». Un instant après, je fus si bien entouré par toutes ces belles prisonnières qu'il me fut impossible de faire un pas ni en avant ni en arrière. Elles étaient toutes fort empressées de me consulter, plus encore de voir ma figure. Loin de se conduire avec cette réserve que comportent nos idées de décence et de modestie, elles affectaient un laisser-aller de gestes et de conversations qui eût révolté une Européenne. La faute de cette éducation est aux hommes, qui cherchent en elles moins des compagnes que des jouets. Pour me débarrasser d'elle, je fus obligé de m'adresser au chef des eunuques qui, usant de son autorité, m'enleva du milieu des femmes dont j'étais environné. J'arrivai enfin devant Al-Nazara, que je trouvai à moitié couché sur une pile de carreaux couverts d'une superbe toile. Une douzaine de négresses ou d'autres femmes employées à la servir étaient debout ou assises à quelque distance de la sultane. On avait mis un coussin près de la malade, qui me fit signe de la main de venir me placer à ses côtés. Douée d'une beauté extraordinaire quelques années auparavant, elle devint la favorite de l'empereur. Ses rivales, enflammées par la jalousie, formèrent et exécutèrent le projet de l'empoisonner. La force de sa constitution lui sauva la vie. Mais sa beauté avait particulièrement disparu et avec elle toute son influence. J'hésitais à m'occuper de cette cure longue et difficile qui pouvait me retenir longtemps. Mais l'état de souffrance de la malade m'y décida. Comme je sortais d'auprès d'elle, une esclave d'Allah Batoum, la première sultane, me fit appeler chez celle-ci. Je ne savais pas si je devais satisfaire à ce désir, mais, emporté par la curiosité, je me rendis près d'Allah Batoum, beauté mauresque parfaite, c'est-à-dire excessivement grasse. Ses grosses joues étaient peintes d'un rouge très vif, ses yeux étaient petits, sa physionomie dépourvue d'expression. Elle pouvait avoir de 36 à 40 ans. La curiosité seule l'avait poussée à m'envoyer chercher. Elle parla de son mal avec tant de gaieté que je crus me dispenser de lui proposer des remèdes. Elle était entourée d'une foule d'odalisques qui avaient eu envie de me voir et qui toutes voulurent une consultation. L'air doctoral que je pris pour leur recommander la sobriété leur donna une haute opinion de mes talents. La consultation finie, on passa à la critique de mes vêtements qui furent examinés avec soin. Toutes ces femmes me firent une foule de questions qui montraient leur profonde ignorance. Pour me retenir plus longtemps, Allah Batoum me fit servir du thé. Après cette visite, je me disposais à quitter le harem quand je fus mandé par la sultane favorite Allah Bouya. En entrant dans son appartement, je fus tellement frappé de sa beauté qu'elle dut s'apercevoir du trouble qu'elle me causait. C'était une génoise prise à l'âge de 8 ans par un corsaire. Elle fut introduite dans le sérail de l'empereur qui la força d'embrasser la religion musulmane. Sa beauté, son esprit, ses talents la firent monter au rang qu'elle occupait. Elle pouvait avoir 22 ou 23 ans. Comme elle savait lire et écrire, ses compagnes la regardaient comme un être supérieur. Elle conservait encore assez de ses premiers souvenirs pour remarquer qu'elle se trouvait au milieu d'un peuple ignorant et grossier. Le harem de Sidi Mohammed était composé de 160 femmes, sans compter toutes les esclaves qui servaient les sultanes. La première sultane a la direction du harem, c'est-à-dire qu'elle en a la police générale. La sultane favorite et elle jouissent seules du droit d'avoir 2 pièces. Les autres odalisques n'ont qu'une seule chambre. L'extérieur des appartements des femmes est sculpté avec beaucoup de goût. Tapissés de beau damas, ils ont leurs planchers couverts de superbes tapis de Turquie sur lesquels on jette des coussins et de petits matelas pour s'asseoir et dormir. Les plafonds sont peints et chargés de sculptures. Les tentures sont de satin, souvent encadrées dans de larges bandes de velours noir brodées d'or. Il y a aussi un grand nombre de glaces magnifiques. Les générosités de l'empereur pour les femmes sont plus ou moins abondantes, suivant les sentiments qu'elles savent lui inspirer. En général, il leur alloue des sommes si mesquines que la sultane favorite n'a guère plus d'une demi-couronne à dépenser par jour. N'étaient les cadeaux que leur font les Européens et les morts pour qu'elles s'intéressent à leurs affaires, les sultanes seraient fort mal à leur aise. Désespérant d'obtenir la permission de retourner en Europe, je dus recourir à la ruse. Je persuadai à mes belles malades qu'à Gibraltar seulement, je pouvais composer les remèdes qui devaient achever leur guérison. Ce stratagème ouvrit les portes de l'Empire et j'en profitai immédiatement.